إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وإن شاء الله بارك الله فيك. Donc nous avons pu terminer la semaine dernière, tout ce qui introduisait en fait les hadiths des 40, le deuxième hadith, hadith numéro 2 de l'Arba'in Nawawi. Et aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, commencer donc Al-Rukn al-Awwal in Arkan al-Islam, le premier pilier des piliers de l'islam, qui est la ilaha illallah, qui est le témoignage ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Y a-t-il des questions sur le cours de la semaine dernière? Du tout, non? C'est clair? Bekran? J'ai une question, mais ça remonte. Vas-y. On a dit que les manifestations, c'est grave. Ouais. Ouais. Ah, sur ce point-là, sur les manifestations. Naam. Tout ce qui, en fait, tout ce qui mène au désordre, tout ce qui mène au désordre, tout ce qui mène au trouble dans la religion de l'islam, tout ça, c'est interdit et c'est haram. Que ce soit les manifestations, voilà, les attentats, voilà, le terrorisme, voilà, tout ce qui mène à des troubles et à des problèmes, tout ça, c'est interdit en islam. Tout ça, c'est interdit en islam. Les savants ont dit que la première manifestation qui est arrivée en islam a abouti à la mort de Othman ibn Affan. Les gens sont sortis contre lui, et jusqu'à ce que ces Khawarij-là lui ont coupé la tête. Une fois qu'ils ont coupé la tête de Othman ibn Affan, radiallahu anhu, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui que les anges avaient été très pudiques vis-à-vis de lui, vis-à-vis de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et Uthman ibn Affan radiallahu anhu fait partie de ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il était au paradis. Et les manifestations en islam, c'est strictement haram et interdit. Les savants s'en sont exprimés sur cela. Il est interdit, écrit, de sortir et puis de manifester. Pour tous les autres mots, les autres, c'est le mot, c'est-à-dire mal au pluriel, hein, tous les autres mots, les autres problèmes que mènent les manifestations, la mixité avec les femmes dans les rues, d'accord ? Les problèmes en lui-même, quand tu vois les dégâts que ça fait avant et après. Naam. Et aussi, eux, ils vont venir, cette secte des Ikhwan qui se trouve à Hérouville-Saint-Clair, là, à la mosquée, ils vont te dire, non, c'est une manifestation pacifique. On ne fait pas de bruit, on ne fait pas de désordre, juste on marche dans la rue. Mais Ri, qu'est-ce que tu recherches ici? Qu'est-ce que tu recherches? Déjà, on doit inviter les gens à comprendre leurs croyances, à se réformer, l'idée d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que même lorsque tu es dans un pays musulman, imagine. Ou est-ce que, par exemple, il y a de l'oppression du gouverneur qui oppresse la communauté et qui oppresse la population? D'accord? Dictature. Toi, qu'est-ce que tu dois faire, Eri? Tu ne dois pas sortir et te rebeller contre cela. Regardez, le Hajjaj ibn Yusuf, qu'est-ce qu'il a fait aux musulmans? Il a fait des dégâts. Il a fait des dégâts. Il a tué énormément de musulmans. Subhanallah. Est-ce que Abdallah ibn Omar, il a dit, allez hop, faut qu'on se rebelle et qu'on sorte contre lui parce qu'il est en train de faire des dégâts sur la communauté ou quoi que ce soit? Subhanallah. Et il a refusé, il priait même derrière lui. Jusqu'à ce que c'est le Hajjaj ibn Yusuf qui a empoisonné Abdallah ibn Omar. Donc, on voit bien que, d'une part, mais ça on fera, j'avais fait un... tu comprends bien l'anglais, mashallah, avec Rana. J'avais fait un cours au Royaume-Uni, il est en anglais, il est sur le site, sur les paroles des savants, sur l'interdiction de manifester. Parce que là-bas aussi... Comment ? Ouais, c'est juste les paroles des savants. C'est, tu marques juste dans le truc de recherche demonstration, tu vois, pour les manifestations, et tu vas trouver est-ce que les manifestations font partie de l'islam. Et là, c'est avec toutes les paroles des savants que j'avais rapportées. Eux, ils disent quoi, les savants? D'une part, il va y avoir la mixité. Eux, ils vont te dire non, on sort. Mais c'est interdit même à la base. Dans les pays musulmans, il y a une oppression. Qu'est-ce que tu fais? Tu patientes et tu te réformes. Et tu invoques Allah Azza wa Jal. Et tu invoques Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ce que les salaf salah, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que si j'avais لو كان لي دعوة مستجابة من قال هذا المقال لو كان لي دعوة مستجابة أظن سفيان الثوري والله أعلم لجعلتها على الحاكم. S'il avait une invocation qui était exaucée par Allah, c'est un des plus prédécesseurs. Je ne sais plus si c'est Sofiane al-Thawri, Allahu a'lam. Il avait dit, si j'avais une invocation exaucée par Allah, j'aurais invoqué en faveur du gouverneur. Il a dit pourquoi? Parce que si le gouverneur se réforme, il va être bien, ce sera un bien qui s'étendra sur toute la communauté. Donc il va redevenir juste envers la communauté. Donc, mais il faut pas oublier une chose. C'est comme le cheikh Ubayd Jabri Hafidullah avait mentionné, un grand savant de Médine. Il disait, مَا سَلَّتَهُمُ اللَّهُ عَلَيْنَا إِلَّا بِسَلَدْ ذُنُوبِنَا. Allah ne les a mis sur nous et que ces individus-là nous oppressent, cela n'est dû qu'à nos péchés. Cela n'est dû qu'à nos péchés. Donc c'est pas on commet des péchés, on veut rester corrompu et après on va se dire, oui, on va manifester. Comme le fait de l'augmentation des choses dans les pays, toutes ces choses-là. Non, exactement, exactement. L'augmentation des prix, le fait que les gens vont... ils ne vont pas être encore entre eux, ils vont s'entretuer, ils vont se combattre, tout cela est dû au péché que l'individu commet. Donc les manifestations en islam sont strictement haram. Le musulman qui suit la sunna, qui se tient au manhaj des salaf salah, celui-là, il ne s'assied pas avec les gens qui invitent aux manifestations, il ne sort pas avec eux aux manifestations, parce que al-mudaharat, les manifestations, ça, c'est fi usul khawarij, ça fait partie de la méthodologie des khawarij. Ils veulent sortir soi-disant pour demander des droits, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils trompent la communauté. Ce n'est pas des droits qu'ils recherchent, c'est le siège. L'essentiel, c'est d'enlever l'individu qui est sur le siège pour pouvoir mettre quelqu'un. Vous voyez ? Comme tu l'as dit, Sylvain, il y a la mixité qui se mélange. Exactement. Donc en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout ce qui est mixité. Ils vont se mélanger, ils vont marcher ensemble et tout cela. Et ils en arrivent même à justifier cela en disant non, on va faire de la da'wa en marchant, on va distribuer des dépliants aux gens. Regardez comment ils trompent la communauté. Mais, Inch'Allah, parce que dès que j'ai les éléments, c'est mieux lorsque j'ai tous les éléments, les paroles dans le détail des savants, tu vois. Comme ça, je peux vous détailler exactement plus dans le détail. Parce que de mémoire, comme ça, il y a des choses que je peux oublier. Nous, le musulman, c'est qu'il ne sort pas manifester, il ne sort pas aller voter, il ne sort pas, d'accord? Il ne sort pas dans ces trucs-là. Toi, tu ne sors que soit pour rechercher une science, voilà. Soit pour visiter de la famille, soit pour les fêtes de l'Aïd, soit pour les prières en groupe, soit pour... D'accord? En dehors de cela, tu te tiens chez toi et t'évites toutes les fitaines. Tu ne te mélanges pas aux gens de l'innovation et de l'égarement, tu ne t'assieds pas avec eux et tu ne perds pas ton temps. D'accord? En plus, il n'y a aucune fois que le professeur Hassan manifestait. Non, mais il n'y a rien de tout cela, il n'y a rien de tout cela. Donc, ça, c'est l'ignorance. Donc, les manifestations en islam, on pourra même refaire un cours, Inch'Allah, dessus, dans le détail, bi'idhnillah. sur le fait que ça c'est strictement haram, et on ne sort pas, le musulman qui suit la sunna n'est pas quelqu'un qui va sortir dans les rues pour aller manifester. Déjà, nous déjà on doit se faire des efforts à comprendre notre religion, à l'appliquer, et lorsqu'on comprend bien notre religion, on sait ce qu'implique le walé ou le bara, on se doit de faire la hijra au pays musulman et non pas rester ici à demander des droits ou essayer de s'éterniser dans ces pays de kufr. Qu'Allah nous facilite la hijra. Donc, mais sinon, il n'y a pas d'autres questions sur les quatre règles, voilà. Giovanni, non? Non, pas. Ok, tout est clair, Marit. Non, ce n'est pas clair. Mais... il faut justement. D'accord, qui te vient à la tête. Inch'Allah. Mais s'il y a des points qui ne sont pas clairs, il faut les noter et il faut que tu me le dises, tu vois. Puis après, même, on pourra en parler, yani, tête à tête, bidnallah. Donc, le premier pilier qui est les deux attestations de foi. D'accord ? Premier pilier de l'islam. Awal rukn min arkan l'islam, shahadatain. Rukn l'awal, yakoul le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Le Cheikh Salih al-Fawzan dit. Je ne comprends pas c'est quoi ça. Hop. Donc le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, dit الشهادتان, les deux attestations de foi. لأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى. L'une ne va pas sans l'autre. D'accord ? Les deux attestations de foi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمد رسول الله. Eh bien, ces deux attestations de foi, l'une ne va pas sans l'autre. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأنكر أن محمدا رسول الله فإنه لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله. Celui qui témoigne, qui atteste et qui informe que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, et que il n'atteste pas que Muhammad est l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, son attestation de foi n'est pas bénéfique, n'est pas authentique. D'accord ? Et n'est pas correcte. Elle n'est pas valide, barakallahu fik. Wa kadhalika man shahida anna Muhammadan rasulullah wa lam ya'tarif an la ilaha illa Allah lam tanfa'u shahadatuhu bir risala fala budda min ash-shahadatayn jami'an shahadatan la ilaha illa Allah wa shahadatan anna Muhammadan rasulullah. Donc celui donc qui c'est également le cas pour celui qui témoigne que Muhammad est l'envoyé d'Allah, mais il ne reconnaît pas que Allah est le seul qui est digne d'adoration en toute vérité. Il reconnaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et envoyé d'Allah, serviteur d'Allah, mais il ne reconnaît pas qu'Allah azza wa jal est le seul qui mérite l'adoration en toute vérité. Eh bien, même dans ce cas-là, eh bien, ce n'est pas valide. D'accord ? L'une ne va pas sans l'autre, il faut qu'il y ait les deux. Shahadatan la ilaha illallah wa ma'naha ifradullah bil ibad. L'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, son sens c'est que tu unifies Allah dans l'adoration. Wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah wa ma'naha ifradun nabiy bil ittiba' wal iqtida' alayhi as-salatu was-salam. لأنه مبلغ عن الله جل وعلا فليس المراد بشهادتين التلفظ بها فقط بل لابد من العمل بها بهما. Donc il dit, et le sens, donc on a vu le sens de la ilaha illallah, on va le voir dans le détail, hein. Le sens de la ilaha illallah, c'est nulle divinité digne d'adoration en toute vérité excepté Allah. Ifradullah bil ibad. C'est le fait que tu unifies Allah dans l'adoration. Et l'attestation وأن محمدا رسول الله que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Son sens, c'est que tu unifies le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. Dans le suivi. Ifradu al-Nabi bil-ittiba' wal-iqtida' alayhi salatu wassalam. Que tu unifies le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. D'accord ? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Liannahu muballaghun 'an Allah jalla wa ala. Parce que c'est lui qui transmet d'Allah le Très-Haut. On est d'accord? Donc on doit unifier Allah dans l'adoration et on doit unifier le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. D'accord? Parce que c'est lui qui transmet d'Allah. Et donc c'est pour ça qu'il dit فَلَيْسَ الْمُرَادْ بِشَهَدَتَيْنِ comme on l'avait vu avec les explications de Cheikh Mohamed Ibn Jami rahimahullah. Donc ce n'est pas juste que l'individu prononce juste les deux attestations de foi. Il dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Il faut qu'il les dise et qu'il les mette en application. Il doit le dire et il doit les mettre en application. D'accord ? Il y a un point intéressant ici que dit le Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymeen. Rahimahullah. Il dit, concernant les deux attestations de foi, Shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il dit, wa huna mas'ala. Limadha ja'ala hadhan ruknan wahidan wa lam yuj'ala ruknain. Pourquoi ici, il y a une question ici qu'on se pose. Pourquoi les deux attestations de foi ne font qu'un seul pilier et non pas deux. Pourquoi il n'y a qu'un seul pilier? Pourquoi ça n'a pas été mis sous forme de deux piliers? Le premier pilier, la ilaha illallah, et le deuxième pilier, wa anna Muhammad Rasulullah. Mais ça a été mis sous un seul pilier. Il dit, wal jawab, anna shahada bihadain tubna alayhi sahat al-a'mal kulluha. لأن شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص وشهادة أن محمدا رسول الله تستلزم الاتباع وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Et donc là il explique pourquoi en fait. Il dit parce que pourquoi c'est sous un seul pilier les deux attestations de foi. Il dit parce que l'attestation de ces le fait d'informer, de témoigner de ces deux attestations de foi, eh bien c'est sur cela que se bâtit toutes les œuvres. Et c'est sur cela que toutes les œuvres donc sont bâties et que cela fait que font que les œuvres sont correctes. Lorsqu'on le comprend, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui vont dire « La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah » Abu Bakr. Lorsque les deux attestations de foi, quelqu'un qui dit « La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah » Pourquoi alors il fait des bid'a? « Yaqul, ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa huwa mubtadi'un dallun mudil » Subhanallah. Il dit « Je témoigne que Muhammad est l'envoyé d'Allah alors que c'est un innovateur égareur qui égare. C'est dû à quoi ça? Ce qui ne suit pas correctement, c'est pas l'invente. Barakallahu, oui. Manque de science. Oui, manque de science. Manque. Incompréhension. Il ne comprend même pas ce qu'implique « Wa anna Muhammad Rasulullah ». Donc, lorsque tu dis « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », d'accord? Tu l'attestes, tu informes, tu le témoignes, tu le crois. Tu es véridique lorsque tu le dis et tu le prononces. Vous voyez pourquoi l'une des conditions de la ilaha illallah, c'est la véracité, al-sidq. C'est pas juste tu le dis et tu n'es pas véridique. Tu le dis, donc tu appliques ce que cela implique. D'accord? Tu appliques ce que cela implique. Tu témoignes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier prophète et envoyé d'Allah. Que c'est le serviteur d'Allah, donc tu l'as témoigné tu es véridique dans ce que tu as témoigné, ça va se refléter sur tes œuvres. D'accord ? Ça va se refléter sur tes œuvres. Donc, ces deux attestations de foi, pourquoi c'est en un seul pilier et non pas deux ? Parce que cela implique que toutes les œuvres vont être bâties sur cela. Pour qu'une œuvre soit correcte, ça doit être bâti sur cela. Sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et il avait dit, لِأَنَّ شَهَدَةَ لَا إِلَهَ لَلَّهِ تَسْتَلْزَمَ الْإِخْلَاسِ. Le témoignage de nulle divinité n'est digne d'être adoré en toute vérité excepté Allah implique la sincérité. L'ikhlas, c'est la sincérité. Ça veut dire quoi la sincérité? Ça veut dire que quoi que tu fais comme œuvre, tu ne le fais que pour Allah seul. Tu n'invoques qu'Allah. Tu ne sacrifies l'animal que pour Allah. En ne mentionnant qu'Allah. D'accord ? Tu ne crains qu'Allah au-dessus de tout. Tu n'aimes qu'Allah au-dessus de tout. D'accord ? Puis tu aimes son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne. Puis tu aimes bien sûr ta famille, yani qui sont musulmans, d'accord ? Les musulmans en général, d'accord ? Les gens de la sunna, tu aimes les gens de la sunna et tu as de l'animosité envers les gens de la bid'a. D'accord ? Naam, le mubtadi' la tusallim alayhi. Subhanallah, l'innovateur, tu lui donnes pas le salam. Yana al-ulama qalu fi salam fi al-mahabba. Subhanallah. Parce que dans le salam, il y a de l'amour dans cela. D'accord ? Un mubtadi' yattahim an-nabi sallallahu alayhi wa sallam بخيانة الدين أو بخيانة الرسالة كما قال الإمام مالك ثم تبتسم له وتسلم عليه سبحان الله c'est pas possible ça. Cet innovateur là qui accuse, comme l'imam Malik rahimahullah a dit, quiconque innove dans l'innovation, من ابتدع في الإسلام بدعة ويرى حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الدين وفي رواية خان الرسالة لأن الله يقول لك اليوم أكملت لكم دينكم. Il dit, ça c'est rapporté par l'imam al-Shatibi fil i'tisam. Il dit l'imam Malik, quiconque innove dans la religion une innovation et la considère comme étant bonne, eh bien a accusé le prophète sallam d'avoir trahi la religion. Et dans une autre narration, d'avoir trahi le message. Il dit pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jalla a dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire elle est complète. Lui il innove, il ramène quelque chose de nouveau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, n'a jamais ordonné, n'a jamais agréé, n'a jamais accepté. D'accord ? Et lui il vient avec une nouvelle, une bid'a comme ça. Et bien il dit, celui qui fait cela et il considère que cette bid'a elle est bonne, qu'il y a un bien en faisant cette innovation là, eh bien il dit qu'il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la religion parce qu'Allah a dit qu'il l'a complétée. Cette religion-là, elle est parachevée. Elle est complète. Donc si tu viens avec quelque chose de nouveau, tu veux dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout transmis en fait. Soit, كَانَ يَعْلَمْ أَنَّ فِي هَذِهِ الْبِدْعَ خَيْرٌ وَلَكِنْ كَتَمَ لِلْأُمَّةِ Subhanallah. Soit il savait qu'il y avait un bien dans cette innovation-là à faire, que les gens font aujourd'hui comme innovation. Il savait qu'il y avait un bien, mais il l'a caché pour lui. Il ne l'a pas dit à sa communauté. Ça veut dire qu'il n'a pas transmis le message. D'accord ? Soit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, مَا كَانَ يَعْلَمْ أَنَّ فِي هَذَا الْأَمْرِ فِي خَيْرِ وَلَكِنِ الْمُبْتَدِعَ الْيَوْمِ يَعْلَمُ خَيْرٌ مِنَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فِي هَذَا الْأَمْرِ فِي خَيْرِ Subhanallah. Donc soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'il y avait un bien dans ce que les gens ont inventé aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne d'aujourd'hui, c'est mieux ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le bien, c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un prophète avant moi, excepté qu'il a informé à toute sa communauté tout le bien qu'il connaissait. Imagine qu'il connaissait, ça veut dire quoi ? C'est Allah Azza wa Jal qui lui a transmis, qui lui a donné la connaissance. D'accord ? Qui lui a révélé la religion complète. Tout ce qui peut te rapprocher et qui peut te faire entrer au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout transmis. Et tout ce qui peut te mener en enfer, ou te mettre, yani te mener en enfer, tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a mis en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a mis en garde contre tout cela. Et il a tout transmis, en termes de bien, et il a mis en garde contre tout le mal. Tu vois ? Donc, ceux qui innovent aujourd'hui, deux questions on leur pose. Soit tu sais mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne savait pas qu'il y avait un bien dans ce que tu fais aujourd'hui. Et toi aujourd'hui tu le fais. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y avait un bien, mais il ne l'a pas dit à sa communauté. A'oudhou billah. Donc dans les deux cas, ils accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la religion. Parce que il n'aurait pas tout informé comme bien qu'il y aurait à sa communauté. Vous voyez le danger de ces mouptèdes dira là. Subhanallah. Ils disent, ou bien ce qu'ils disent aussi, ils disent que la voie des salafs des pieux prédécesseurs est plus sécurisée, d'accord, tandis que la voie de ceux qui sont venus après, les khalafs, d'accord, sont ceux qui sont venus après, eh bien, ils ont quoi? Ils ont plus de raisons. Kayf, la tariqat al-khalaf, kayf? Ouais, subhanallah, a plus de connaissances et a plus de raisons. Eux, ils prétendent que ceux qui sont venus après les salaf salah, ils auraient plus de connaissances et plus de raisons. Subhanallah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui le suivent, puis ceux qui les suivent. Subhanallah. Les meilleurs des gens. Khayrun nas, il a dit. Donc voyez les trois premières générations. Donc ceux qui tiennent des propos en disant oui mais non on connaît plus de choses aujourd'hui ou quoi que ce soit, subhanallah, la religion qui a été révélée au prophète sallam, elle est complète et elle s'applique en tout lieu et en tout temps, d'accord. Donc on a compris ici pourquoi les deux attestations de foi ne sont qu'en un seul pilier, parce que toutes les œuvres, pour qu'elles soient correctes, sont basées sur ces deux piliers là qui sont la sincérité, la ilaha illallah, qui sont impliqués dans la ilaha illallah, la sincérité, que tous tes actes d'adoration, tu ne les voues qu'à Allah Azza wa Jal seul, sans associer. L'ikhlas. D'accord ? Et la deuxième attestation de foi, wa shahadat anna Muhammad Rasulullah, testelzem l'ittiba', c'est qu'elle implique le suivi. Elle implique le suivi. D'accord ? Toute œuvre, كل عمل يتقرب به الى الله لا يقبل الا بهذين الشرطين. Toute œuvre que l'individu fait pour se rapprocher d'Allah n'est pas acceptée excepté si tu as ces deux conditions là. C'est quoi les conditions? Sincérité envers Allah Azza wa Jal et suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ikhlas wa mutaba'a. Ça on doit le connaître, ça. Conditions d'acceptation des œuvres en islam, sincérité vis-à-vis d'Allah et c'est aussi sincérité dans le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sincérité et suivi. Ikhlas wa mutaba'a. Sincérité et suivi. D'accord ? Les deux conditions pour que l'œuvre soit acceptée par Allah Azza wa Jal. Donc toi, tu fais... Tu as cette sincérité, donc tu veux faire cette œuvre-là, tu l'as fait sincère pour Allah. Et tu l'as fait selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donnez-moi un exemple. Quel exemple on peut donner ? La prière. La prière, par exemple. La prière. Donc, quelles sont les conditions pour que ce soit accepté par Allah Azza wa Jal ? Qu'elle soit sincère pour Allah. Ouais. Et qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'individu il vient pour prier salli rak'atayn, d'accord, mais les frères sont assis comme ça là et lui il vient prier au milieu et au fond de lui il y a son nefs qu'il pousse au mal, qui lui dit, les frères te regardent, attention, embellis ta prière. A'oudou billah. D'accord ? Vous voyez le danger ? Donc l'individu, qu'est-ce qu'il va faire là ? Il va tomber dans le riyā. L'ostentation. A'oudou billah. L'ostentation. Riyā, fi l'ugha, c'est subhanallah. Talab al-manzila fi quloub al-khalq. C'est rechercher une place dans le cœur des gens. Le riyā. Rechercher une place dans le cœur des gens lorsque les gens te voient. Parce que c'est différent de sum'a. Sum'a, c'est quoi ? C'est que les gens ne sont pas là, d'accord ? Ils ne sont pas avec toi, mais tu aimerais que les gens entendent de toi que tu as fait telle œuvre, par exemple. Comment ? Il y en a qui font du qiyam layl. Subhanallah. Voilà qu'ils tombent dans la. Dans tout ce qui est, ils peuvent tomber dans le riyā, dans la summa. Parce qu'il se dit, si j'allume mon interrupteur, et je sais qu'il y a des gens qui passent par là, ils risquent de voir que ma lumière est allumée, et ils vont se dire que je suis en train de faire du riyā. A'oudou billah, vous voyez comment que la... Hein? Ou bien, il fait le riyā, et puis il va dire aux gens, ouais... Je fais du qiyam. Enfin, je ne sais pas comment il va le rapporter, mais a'oudou billah. C'est-à-dire que, vous voyez, a'oudou billah. Ou bien il va jeûner. Il va jeûner. Ou bien par exemple, il va dire, je ne sais pas, il va te dire par exemple, lorsqu'il fait du qiyam, je ne sais pas. Ouais, j'étais en train de faire du qiyam, mais je voyais que les gens étaient en train de... Pour glisser la phase qu'il était en train de... Tu vois ? A'oudou billah. Et là, ça veut dire qu'il n'a pas été sincère dans. Et donc, ce n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Non, tu dois garder ça seul pour toi. Tu le fais ça, tu le fais ça. Même, c'est-à-dire, même lorsque tu donnes en sadaqa. Tu vois ? Tu n'as pas besoin d'aller crier sur les toits que. Je donne ! Subhanallah. Ou bien au bled, on a. Subhanallah. Foulen ! A'ta ! 1000 dinars. Et tu mentionnes mon nom, hein. Subhanallah. Mentionne mon nom que j'ai donné tant et tant. Et donc il dit Foulen, Ata, 1000 dinar, li Foulen. Subhanallah. Mais oui. Ah, laisse tomber, ceux-là sont des égarés. Je ne veux même plus entendre parler de ces gens-là parce qu'à Roudoubillé, ils me donnent la nausée. Pour les gens qui donnent, en fait, des affiches où tu as le nom de la personne et le montant. Et le montant, voilà, voilà, il a donné. Des affiches en disant que tu vois, il y a quelqu'un qui participe. Tant par mois, l'autre il donne, et tant par mois il donne. Pourquoi ? C'est pour faire en fait, quand les gens ils passent devant, en fait, c'est leur pêche, c'est de dire, lui il donne, toi tu donnes pas. Regarde, eux ils sont inscrits, au moins eux on les considère. Et puis lui il peut faire ce qu'il veut dans la mosquée, quoi, mais toi t'as pas le droit, tu vois ce que je veux dire ? Donc même s'il prend le micro pour parler quoi que ce soit, bah écoute, moi je contribue à la mosquée, je fais ça, je suis dans le. On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Même si tu connais yani, des gens qui sont pauvres, yani, nas fuqara, subhanallah, ta'tilu min al-mal, wa la taqul yani li ahad, subhanallah. Tu le donnes, tu mets ça dans une enveloppe, tu fais en sorte que personne ne te voit. Tu lui donnes comme ça, tu vois. Jusqu'à ce que ta main gauche ne sait pas ce qu'a donné ta main droite. Tu le caches, tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Et les œuvres, subhanallah, elles sont récompensées dans cela parce que il y a plus de sincérité. C'est pour ça que la sunna, hein, concernant les nawafil, la sunna laisa fil masjid, walakin fil bayt. Le fajr aussi, Naam. Toutes les sunnan, toutes les nawafil, le mieux, c'est de les faire, tu les fais chez toi, et tu les fais pas. Tu les fais pas. Non, le prophète Sansa m'avait mentionné, ne laissez pas vos demeures comme des tombes. Parce que dans les tombes, on ne récite pas de Qur'an. Et donc, ce qu'il y a écrit, c'est que tu laisses cette part-là. Les prières que tu fais, comme les mashaykh, on va les mentionner, et d'ailleurs, il faut que je revoie le hadith, inshallah, et je vais le noter, je vais vous le rapporter la semaine prochaine, bi'idhnillah, ou mercredi, là. Bi'idhnillah. C'est sûr, la récompense de celui qui prie les nawafil chez lui, à l'abri des regards des gens, et 25 degrés plus élevé que lorsqu'il a fait devant les gens. Subhanallah. Vous voyez ? Pour dire l'importance, ouais, de la faire. Donc c'est pour cela. Les œuvres écrites, les nawafil, ça est en groupe, bien sûr, tu les fais en groupe à la mosquée. D'accord ? Tu les fais donc avec le jama'a. Mais les nawafil, tu les fais chez toi, écrit, à l'abri des regards des gens. D'accord ? Donc, sincérité et suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, l'individu qui priait pour plaire aux frères, donc il a eu un problème dans la sincérité. Bien qu'il faisait la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qu'al, sallu kama raitumuni ou salli, priez comme vous m'avez vu, priez. Donc, si toi tu veux inventer une nouvelle type de prière, ou tu fais quelque chose dans la prière, tu dois apporter ta preuve. Quelle est la règle en islam concernant les œuvres ? La ibada illa bidalil wa nas. Pas d'acte d'adoration excepté si tu as une preuve ou un texte. Tu n'as pas le droit de faire un acte d'adoration excepté si tu as une preuve. Pourquoi tu fais cela ? Voilà la preuve. Donc ce mubtadi'a qui veut yahtafal bil mawlid an-nabawi mathalan. Il veut célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? C'est que il est sincère qu'il veut faire ça pour Allah. D'accord ? Allah wa'alam après de leur sincérité, sallallahu alayhi wa sallam sait ce qu'il y a dans leur cœur en termes de sincérité. Le problème est dans quoi ? Le problème est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam célébrait son anniversaire ? Si oui, apportez votre preuve. Sinon, alors, pourquoi le faites-vous ? Arrêtez. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme fi sahih muslim, an Aisha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté. Ça, faut l'apprendre par cœur, ce hadith-là. C'est le hadith numéro 5 des 40 Nawawiyyah. Ça, c'est le hadith. Ce hadith-là, quand tu le connais par cœur, eh bien, tu réfutes tous les innovateurs avec ça. D'accord ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est le hadith numéro 5, vous l'avez dans le... Ouais, le... Moi, je pensais qu'on allait faire que les 4 règles. Non, les 4 règles, c'est mercredi, ça fait. C'est dimanche, les 40 Nawawiyyah. Donc, c'est le hadith numéro 5, c'est « Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre sera rejeté. » Donc vous pouvez noter entre parenthèses hadith 5, hadith 5 de l'Arba'in Nawawi. Et ça, on l'avait étudié dès qu'on avait fait ça. Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre... De notre ordre sera rejeté. Donc on a compris ça. C'est clair ou pas ? Sincérité envers Allah Azza wa Jal, suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit, il y a 4 types d'œuvres. Toutes sont rejetées, une seule est acceptée. Celle qui est faite sincère pour Allah, mais non conforme à la sunnah, celle-ci est rejetée. Celle qui est faite en conformité à la sunna, mais non sincère vis-à-vis d'Allah. Alaykoum salam. D'accord ? Celle qui est faite sincère pour Allah, mais non conforme à la sunna, rejetée. Parce qu'elle n'est pas conforme à la sunna. Il n'y a pas les deux conditions. Deuxième type d'œuvre, celle qui est faite en conformité à la sunna, mais non sincère vis-à-vis d'Allah. Celle-ci, elle est rejetée. Celle qui n'est pas faite en conformité à la sunna et qui n'est pas faite sincère vis-à-vis d'Allah, celle-ci est rejetée. Et la quatrième et la seule qui est acceptée, c'est celle qui est faite sincère vis-à-vis d'Allah et en conformité à la sunna. D'accord ? 4 types d'œuvres, 3 sont rejetées, une seule est acceptée. La troisième qui est rejetée, donc œuvre conformité à la sunna et non à Allah. Rejeter, œuvre conformité à Allah et non à la sunna, rejeter. Non, conformité à la sunna, mais non sincère vis-à-vis d'Allah. D'accord? Donc le premier, sincère vis-à-vis d'Allah, non conforme à la sunna, rejeté. Deuxième, conforme à la sunna, mais non sincère vis-à-vis d'Allah. Troisième, non sincère vis-à-vis d'Allah, mais conforme à la sunna. Pardon, le troisième, c'est non sincère vis-à-vis d'Allah et non conforme à la sunna. Donc ça veut dire qu'il n'y a ni sincérité ni suivi. Et le dernier, c'est conforme à la sunna et sincère vis-à-vis d'Allah. Donc la preuve, c'est le dernier verset de Ayat de Surat al-Kahf. Non ? Eh, non. من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه quiconque désire la rencontre de son Seigneur فليعمل عملا صالحا qu'il fasse une bonne œuvre. Et l'imam Ibn Kathir رحمه الله a expliqué donc en disant العمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله. Et donc il dit, l'imam Ibn Kathir رحمه الله, il dit dans le dernier verset de Surat al-Kahf, quiconque désire la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre. La bonne œuvre, c'est ce qui est en conformité avec la législation d'Allah. La législation d'Allah, c'est la sharia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Là, c'est la partie du suivi. Al-mutaba'ala. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا et qu'il n'associe rien dans l'adoration à Allah. Yurad bihi wajh Allah wahda la sharika lah. Et donc là, c'est ce que dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah. Il dit, eh bien, il veut par cela uniquement Allah azza wa jal par l'œuvre qu'il fait, conformité à la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sincérité vis-à-vis d'Allah. D'accord ? Donc ça, vous avez la preuve des des conditions des acceptations des œuvres en islam. Vous marquez le dernier verset de Sourate Al-Kahf. D'accord, ça on l'a vu plusieurs fois ça. Donc il dit, l'individu qui veut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, d'accord, كل عمل يتقرب به إلى الله, toute œuvre pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, لا يقبل إلا بهذين الشرطين, الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc toute œuvre qui est faite pour se rapprocher d'Allah, elle n'est pas acceptée, excepté s'il y a ces deux conditions, suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sincérité vis-à-vis d'Allah. D'accord ? وَمَعْنَا أَن تَشْهَدْ أَن لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ أَيْ أَن يَعْتَبَرَ الْإِنسَانِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ بِأَنَّهُ لَا مَعْبُودْ حَقِّ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. D'accord ? C'est que le sens donc de la ilaha illallah, c'est que celui qui la prononce, l'informe, l'atteste, d'accord, c'est qu'il prend en considération donc que sa langue, son cœur, atteste, informe que nul n'est digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah le Très-Haut. D'accord. Et ça, on l'avait vu, wa ashhad. بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب. Il dit parce que أشهد, comme on avait vu la semaine dernière, c'est que tu attestes avec ton cœur et que tu le prononces avec ta langue. Donc là, tu vas informer. D'accord ? Parce que donc, cette attestation, ce témoignage, c'est une prononciation et tu informes de ce qui est dans le cœur. D'accord ? Tu informes ce qui est dans le cœur. وَإِذَا كَانَ الشَّاهِدْ بِقَلْبِهِ أَخْرِسْ لَا يَسْتَطِعَ النُّطْقِ فَإِنَّهُ يَكْفِي إِقْرَارَهُ بِقَلْبِهِ لِلْعَجْزِ. Donc là, c'est si l'individu est muet, il ne parle pas. Il est muet. Donc quelqu'un qui est muet, tu ne peux pas dire que son attestation n'est pas valide. Parce que là, il a quelque chose qui l'empêche de prononcer. C'est quoi ? C'est qu'il est muet, il ne peut pas parler. Donc c'est suffisant pour lui qu'il a accepté ça dans son cœur et qu'il l'agrée et il l'atteste avec son cœur. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. D'accord ? Ça, c'est pour celui qui a une et un qui est ému et qui n'a pas cette possibilité-là. Tandis que celui qui ne l'est pas, eh bien, il se doit de le prononcer. D'accord ? والشهادة باللسان لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فلا ينفعهم وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله والله يعلم إنه رسول الله ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون. Donc il dit, le fait de juste témoigner avec la langue n'est pas suffisant. Pour preuve, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils faisaient les hypocrites? Ils témoignaient avec leur langue. D'accord? Ils témoignaient qu'Allah était le seul qui mérite l'adoration. Ils témoignaient. D'accord? Ça, ils le témoignaient avec quoi? Avec leur langue. Donc, ils disaient cela avec leur langue, ce qui n'était pas dans leur cœur. D'accord? النفاق c'est quoi? يظهر الإيمان ويبطن الكفر. Il montre la foi et il cache la mécréance. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il ne croit pas du tout. Il montre en apparence parce que pour des biens de cette dunya. Parce que la majorité, c'est des musulmans. Donc il se fait passer pour un. Pour un musulman, il vient, il prie avec eux. D'accord? Comme les indiquent dans les mosquées. Il vient, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est un indique. Son métier, essayer de capter une parole de quelqu'un pour aller dire aux flics, voilà, un indique. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc lui, son métier, sa niya, c'est quoi? Est-ce que sa niya, c'est de venir prier en groupe, craindre Allah et se réformer? C'est son salaire à la fin du mois. Donc il doit venir ici. Il prie avec les gens. Et il voit un tel. Les flics cachés dans un wagon, ils prennent des photos de tout le monde avec leur zoom. Et ensuite, ils se donnent un point de rendez-vous. Et après, ils disent, ils lui montrent les photos, il dit un tel, il a parlé sur ça, un tel, il a parlé sur ça, un tel, il a parlé sur ça. Vous voyez? Ça, c'était passé aux infos, ça, il l'avait montré, comment qu'il faisait. Hein? Et souvent, il travaille avec des gens comme ça. Le vieux, là, qui, tu vois, qui il y a une personne âgée, vient, jamais tu dirais celui-là. Ce sont des gens qui sont habitués dans cela. D'accord? Et les harkos et tout cela, là. Non? Non, mais ce sont des gens qui comprennent même pas c'est quoi le manhaj. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils vont voir quelqu'un invité à la sunna et ils diront, celui-là, il est attention, il est dangereux, il est je sais pas quoi. Il est... Tu comprends? Donc c'est pour ça. Donc c'est, ils travaillent comme ça. Les indiques, c'est comme ça que ça travaille. D'accord? Donc il vient, il prie. Oh oui, il est musulman. Et... D'accord? Donc lui, hop, il est là, son métier. Oui, je vais prier, mais je dois vérifier. Tu comprends? Allah a'lam ce qu'il y a dans leur cœur cela, mais c'est dangereux de jouer ce double jeu, tu comprends? Subhanallah. Adon hada fi kitab l'imam Bukhari. Ism al-kitab? Adab al-mufrad, barakallahu fik. Fi hadith, dans le livre Adab al-mufrad de l'imam Bukhari. Donc dans le livre Adab al-Mufrad, parce que les mubtadi'a يقولون عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه ضعف بعض حديث في صحيح البخاري وهم جهال يعني سبحان الله يعتقدون أن الأدب المفرد هو صحيح البخاري. Ce sont deux livres différents, صحيح البخاري et puis الأدب المفرد. D'accord, Adab al-Mufrad c'est un autre livre de l'imam Bukhari qui a écrit le صحيح, donc qui a rapporté les hadiths du صحيح. Adab al-Mufrad, il y a des hadiths qui sont faibles, d'autres qui sont authentiques. D'accord. Et l'imam l'Albani, rahimahullah, a authentifié, il a fait Sahih Adab al-Mufrad. Et un hadith dans lequel il est rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, man kana lahu wajhain fi dunya lahu lisanan min nar yawm al-qiyama. Quiconque a deux visages dans ce bas monde aura deux langues de feu le jour de la résurrection. Vous voyez ? Quiconque a deux visages dans ce bas monde aura deux langues de feu le jour de la résurrection. Donc vous voyez le danger qu'il y a. Donc c'est pas juste faire comme les munafiqines, ils attestent, oui on atteste, que le seul Allah mérite l'adoration, d'accord ? Et eux ce qu'il y a c'est que au fond d'eux ils ne croient pas. Donc c'est pas juste attester, c'est vraiment avoir cette véracité-là, d'accord ? Avoir cette croyance ferme-là de ce que cela implique, d'accord ? Ils attestaient aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, était l'envoyé d'Allah. Ils l'attestaient, mais ça ils l'attestaient avec leur langue. D'accord ? Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Ils attestaient cela avec leur langue, alors qu'Allah sait que l'envoyé d'Allah, c'est l'envoyé d'Allah. Et Allah azza wa jal sait et atteste, témoigne que les hypocrites sont des menteurs. La ilaha illallah, ay la ma'bouda haqq illallah. Donc ça veut dire quoi, la ilaha illallah ? Nulle divinité digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah. D'accord ? وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله آلهة وسماها عابدها آلهة. Donc il dit ici maintenant. Alors, lorsque vous lisez les traductions de « La ilaha illallah », les traductions littérales, qu'est-ce qu'ils vont écrire ? « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Ça, c'est « Ikhweni », tu vois ?« Il n'y a de Dieu que Dieu ». Tu sais que celui-là, il fait partie de la secte des Ikhwan. Que celui qui te dit « Il n'y a de Dieu que Dieu ». Mais l'établir, ben ça, c'est, ils sont dans le mur, ces gens-là, ils comprennent rien. Hein, ils sont juste en train de sortir comme ça. Mais il n'y a de Dieu que Dieu. Et on va voir en fait l'erreur d'ailleurs que font l'établir. Avec, tu dois croire avec sincérité qu'Allah est ton créateur. D'accord ? Yaquluna la khaliq illallah. Subhanallah. La ilaha illallah, ma'anita, anta a'taqid, bi sidq wa ikhlas, anna la khaliq, annahu la khaliq illallah. Subhanallah. Tu dois croire avec sincérité que. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah. Ça, c'est établir. Donc, celui qui te dit, il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord ? Mais il y a l'ignorant qui ne connaît pas aussi, que celui qui n'a pas la science, qui ne connaît pas... Moi, je suis d'accord. L'ignorant, le jahl et tout cela. Non, je suis d'accord qu'il y a le jahl, l'ignorant, qui ne connaît pas, qui ne comprend pas et tout cela. Certes, celui-là, on l'enseigne et on l'éduque et tout cela. Voilà. Après, Chris, il refuse d'apprendre la science. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Les livres des savants, elles sont présentes, elles sont mawjoudes, subhanallah. Yani ba'd al-ulama yaquluna la 'udhr bil-jahl, li'anna al-kutub mawjouda wa al-ashrita mawjouda wa kull shay mawjoud wa al-internet mawjouda, subhanallah. Yarawna anna la 'udhr bil-jahl. Quelle excuse tu vas lui trouver à quelqu'un qui est ignorant? Subhanallah. Qu'est-ce qui l'empêche, akhi, de rechercher la science? Oui, mais des fois, il recherche la science sans savoir, pour s'en bien faire. Non, c'est même pas ça. Ce sont des gens qui recherchent même pas parfois la science, du tout. Ou ce sont des gens qui, oui, comme tu dis, ils croient bien faire et tout cela. Mais s'ils sont sincères dans leur cœur, Allah les mettra sur leur chemin quelqu'un qui est sur le haqq et qui leur montrera le haqq. Voilà, mais c'est une question de sincérité dans le cœur. Voilà. Si quelqu'un rit, n'est pas sincère dans son cœur, rit, subhanallah, tu peux faire ce que tu veux. Hein, il suit ses passions. D'accord ? Il suit en fonction de « Ah non, moi j'aime bien lui ce qu'il dit, ça me convient. Je me tiens à ça. J'aime bien ce qu'il dit. » C'est pas une question que t'aimes bien ou la t'aimes pas, ou est-ce que c'est conforme avec ce que toi tu préfères entendre ou pas. C'est une question qu'est-ce le haqq, qu'il soit pour toi ou contre toi, c'est le haqq, tu te dois de le prendre. Tu comprends ? On n'est pas là pour essayer de « Oh mais attends, non c'est trop dur ça. » C'est pas une question de trop dur ou voilà, trop facile. C'est une question que c'est ça le haqq. Maintenant, toi invoque Allah Azza wa Jal qui te facilite. Tu vois ? Pour mettre en application, pour faire cela, pour accepter, pour, tu vois. C'est pas juste un truc, je vois un tel, il dit tout le temps oui, et puis un tel, je vais l'éviter, il me dit tout le temps non, tu vois. Ou bien vous, vous êtes le genre de gens que, subhanallah, yani vous dites tout le temps. C'est pas une question de ça, barakallahu fikoum. Donc, ils te disent, la ilaha illallah, il n'a de Dieu que Dieu. D'accord ? Certes, je conçois que, yani, quelqu'un qui ne sait pas, qui est ignorant, on lui fait le rappel, Eri. Tu dis, Harry, voilà, en fait, tu le prends à part, tu lui fais le rappel, tu vois. Tu lui ramènes les preuves, cela, d'accord. Tu lui dis, voilà ce que ça implique. Mais si tu t'avances pour faire cela, tu dois t'assurer que tu as le bagage nécessaire. Ah, tu l'as pas dans la cela que quand à l'époque du Prophète SAM, quand on leur disait, justement, aux polythéistes, qui est le créateur, ils savaient que c'était Allah, mais ça ne veut pas dire que c'était des musulmans parce qu'ils associaient Allah. Non, ça c'est pour ceux, voilà, ça c'est pour le deuxième cas avec l'établi. Non. Ouais. Donc, là il dit le shir un point. Donc, on lit bien. La ilaha illallah. La ilaha illallah. D'accord ? On va voir ça dans le détail après ça. Dans le livre de Cheikh Salah Fawzan, Aqidat al-Tawhid. Donc, la ilaha illallah. Celui qui traduit littéralement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire inna. Il n'y a de ilaha divinité qu'Allah. D'accord ? Il dit quoi le Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymin, rahimallah, il dit Ma anna hunaka aliha tu'bad bin dunillah. Alors qu'il y a des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Wa qad sammaha Allah aliha. Wa sammaha 'abiduha aliha. Allah azza wa jalla a nommé que il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il les a nommées divinités. Et ceux qui adorent ces divinités les nomment que ce sont des divinités. Donc c'est faux de dire non, Akhi, moi j'accepte pas. Il y avait un frère un coup, je m'en souviens, il m'avait dit non, moi j'accepte pas de dire qu'il y a d'autres divinités en dehors d'Allah. J'accepte pas. Akhi, c'est Allah Azza wa Jalla, il les a nommés divinités. Tu vois ? Il a dit nul. Mais si tu traduis littéralement, pourquoi ? Parce qu'ils sont à voir avec le littéral et avec il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de divinité qu'Allah, tu vois ? Il y a de divinités, mais il y a d'autres choses qui sont adorées en dehors d'Allah, ce sont des divinités. Alors là, maintenant, il faut qu'on comprenne le point là. Alaha, c'est un synonyme de abada. Al-ilah huwa al-ma'boud. La divinité, c'est ce qui était adoré. D'accord ? C'est ce qui est adoré, la divinité, c'est ce qui est adoré. Donc, la vache, al-baqar, al-qamar, ou al-shams, ou al يعني سبحان الله آلهة تعبد من دون الله. Ce sont des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que les gens se sont mis à les invoquer en dehors d'Allah ou à les adorer en dehors d'Allah. Les mettre au même stade que Allah. Donc là, ce qu'ils les mettent au rang de divinité. D'accord? Non, pas automatiquement qu'ils les mettent au même stade qu'Allah. Pas au même niveau. Parce que eux, ils croient que le seul créateur c'est Allah. Mais ils adorent un tel, ils adorent le Sidi je sais pas quoi, ils adorent le Wali je sais pas quoi, ils adorent Al-Qamar, ils adorent la lune, le soleil, ils adorent la vache. Les chrétiens, ils adorent les croix, ils adorent Aïssa, Aïssa ils mais ça c'est encore autre chose. Ça ce sont ceux qui disent que Allah c'est Aïssa. Ou bien Aïssa c'est le fils d'Allah. Ouais. Donc, vous voyez, yani, il faut qu'on comprenne qu'il y a d'autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Maintenant, le point est où ? Donc, on se rappelle que « alaha » dans « ilah » c'est un synonyme de « abada ». Le « ilah »,« al-ilah »,« huwa al-ma'boud ». L'ilah, la divinité, c'est ce qui est adoré. D'accord ? « Ilah », ça veut dire ce qui est adoré. Ce n'est pas le créateur. Il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Ce n'est pas ça que ça veut dire. La divinité, c'est ce qui est adoré. Donc, lorsque tu lis « la ilaha illallah », il dit « donc, quelqu'un, en fait, qui lit comme ça, il va se dire, alors, c'est la négation, en fait, qu'il y a d'autres divinités. Cependant, Allah Azza wa Jalla a nommé qu'il y a d'autres divinités. Il a nommé que ceux qui adorent, yani, ceux qui adorent ces divinités-là, les nomment divinités. Donc, il dit quoi ? Il dit, regarde ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. « قال الله تعالى, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ » آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. Donc on voit bien là dans la aya آلهتهم. Donc leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Dans Surat Hud verset 101. Surat Hud verset 101. On voit que Allah Azzawajal a nommé leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur ont servi à rien. Wa qala ta'ala am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yushabun. Et donc on voit ici am lahum alihatun, ont-ils des divinités en dehors de nous? Le nous, on se rappelle, c'est un nous de majesté, barakallahu fik, pas un nous de pluriel. Ont-ils donc des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger, mais celles-ci ne peuvent se secourir elles-mêmes ni se faire assister contre nous? D'accord? Wa qala ta'ala. Donc ça c'est le deuxième verset que j'ai mentionné, c'est sourate Al-Anbiya, verset 43. Wa qala ta'ala وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah. Sourate Al-Qasas, verset 88. Déjà, on a ces trois versets-là. On voit que Allah Azza wa Jalla les a nommés, سَمَّاهَا أَلِهَا. Il les a nommés que ce sont des divinités. D'accord? Donc lorsque tu dis la ilah, comment qu'on comprend là maintenant? On peut pas dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. C'est pas correct de dire ça. Pourquoi c'est pas correct de dire il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah? Barakallahu fik, d'une part, vous avez les preuves. Allah a cité que ce sont des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. D'accord? Tous les prophètes ont été envoyés justement pour réfuter leur... Ouais, mais ça c'est trop général ça. Il faut plus précis. Voilà. Pourquoi encore? C'est pas correct de dire il n'y a de divinité qu'Allah. Littéralement, la ilaha illallah. Il n'y a de divinité excepté Allah. Si tu dis littéralement comme ça, en le traduisant en français comme ça, c'est faux. Et ce n'est pas correct. Parce que Allah Azza wa Jalla a nommé qu'il y avait d'autres divinités. Il y a la fausseté, la vérité. Barakallahu fik. Mais maintenant, vous comprenez ce qui a été dit préalablement lorsqu'on disait le sens « Nulle divinité n'est digne d'être adorée en toute vérité, excepté Allah. » C'est-à-dire que dans les trois sourates que tu as citées, Allah a bien voulu nous faire comprendre que tout ça... Ce sont des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais comment que tu comprends la ilaha illallah? C'est pas le fait que tu renies qu'il y a des divinités en dehors d'Allah. Non, il y a des divinités en dehors d'Allah. Mais que maintenant c'est quoi? C'est comme disait le frère Fahmi barakallahu fi, c'est que là, certes, il y a d'autres divinités en dehors d'Allah, mais ce sont des fausses divinités. On les appelle divinités, pourquoi on les appelle divinités? Barakallahu fik, Akhi Giovanni. Parce qu'elles sont adorées en dehors d'Allah. Ça revient toujours à la même chose, la négation, l'affirmation, le voilà, le bara. Exactement. L'affirmation vient juste après. C'est-à-dire que la seule divinité. Exactement. Exactement, Barakallahu fik. Là, tu renies. Tu te désavoues. De toute adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Donc, le fait que tu nous as bien incité à faire la hijra dans le sens que la hijra ça concerne de se désavouer de ce peuple qui Naam, mais là tu vas très vite là. Donc il faut y aller doucement, inchallah. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc là ce qu'il y a c'est que tu dis que c'est donc on comprend maintenant où est l'erreur de la traduction. Il n'y a de Dieu que Dieu. Celui qui écrit ça directement, ça s'affiche au-dessus de lui, ikhwani muhtariq. D'accord? C'est un pur ikhwani, cet individu-là, un tarasek des frères musulmans. Parce que ces individus-là, eux, ils viennent avec il n'y a de Dieu que Dieu. Se disant dire Dieu. Il faut voir après la racine de Dieu en lui-même ce que ça veut dire. Subhanallah, Dieu qui se met au pluriel, etc. C'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser le terme en arabe Allah. Parce qu'Allah, tu ne peux pas le mettre au pluriel. D'accord? Et tu ne peux pas le nommer pour quelqu'un d'autre. D'accord? Lekin Dieu, tu peux le nommer pour Poseidon, le dieu de la mer, Drashnoa, le dieu du ciel, le dieu de la terre, le dieu de Audoubillah. Tu vois? Donc, il ne faut pas tomber dans une banalisation du langage. On doit faire attention à ce qu'on dit. Donc il est préférable, à la place de dire... Donc si par exemple l'individu ne comprend pas directement Allah, ça veut dire quoi? D'accord? Tu lui expliques Allah, eh bien, c'est... Tu lui dis entre guillemets, Dieu Tout-Puissant, le seul créateur, qui a tout créé. Et après tu reviens plus sur, sur Dieu. Tu dis en arabe, on dit Allah, et il est préférable d'utiliser Allah. Pourquoi? Parce que d'une part, ça c'est spécifique au seul créateur, et que tu ne le mets pas au pluriel, et qu'il est interdit de nommer autre chose avec le nom d'Allah, et que tu ne peux pas dire que eh bien c'est la divinité de je sais pas quoi, ou la divinité de la mer ou de la terre, ou de, tu vois. En fait, il faut vraiment comprendre que, comme tu disais... Parce que si tu dis Dieu, ben, ils vont te dire quoi, Eri? Il va te dire, ah oui, mais c'est... Ah, mais c'est ton Dieu à toi. Mais moi, j'ai mon Dieu. Il va te dire, Rit, moi, je l'ai où? Il va te dire, c'est ton Dieu à toi, alors. Les mécréants, ils prennent... C'est, maintenant, c'est... Ils prennent ce mot-là, comme il dit, par exemple, le Dieu du fou, tout ça. C'est... Voilà, c'est ça, voilà. C'est un tel, c'est le Dieu du... Parce que tu peux l'utiliser. Alors que Allah, tu ne peux pas l'utiliser pour ça. Tu... C'est impossible. C'est bien fait, quand même. Tu vois, subhanallah. Et tu peux pas... Tu peux pas dire, eh bien, c'est le Allah de la mer ou la de Astaghfirullah. Tu peux pas. Tu vois? En fait, ça dépend si tu dis le créateur, c'est Allah de tout, quoi. De toute chose, il est toute chose. Allah, c'est le créateur de toute chose. Naam. Donc, lorsque tu expliques comme ça, Allah, c'est celui qui a tout créé. Le Tout-Puissant. Celui qu'on invoque. Qu'on s'en remet qu'à lui. On n'invoque que lui, on adore que lui, on ne s'en remet qu'à lui, on ne place notre confiance qu'en lui, quoi que l'on fasse comme acte d'adoration, on ne le fait que pour lui. Et les œuvres d'adoration, on ne les fait que ce qui est en conformité avec la législation qu'il a révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit Allah. Donc on comprend, barakallahu fikum. Donc là c'était déjà un point important sur l'utilisation d'une part de Allah. Lorsqu'on dit la ilah, nulle divinité, c'est pas nulle divinité, ça veut dire que ça annule le fait que il n'existe pas d'autre divinité. Non. On dit bien qu'il y a d'autres divinités que des gens adorent. La vache qui est en Inde, que les gens adorent, qui se met sur la route pendant 4 heures et que personne ne veut la toucher, parce que c'est leur divinité. Et s'ils la touchent, un malheur va s'abattre sur leur maison, je ne sais pas quoi. Le wali au bled, qui vont te dire, ça c'est un wali, va lui demander, t'as pas d'enfant, va voir Layla Arbiya, donne-moi des enfants, et puis je te ramènerai un couscous ou je ne sais pas quoi. Tu vois? Et puis, oh oui, t'inquiète, ça d'arwa les mots. Donc, regardez comment que la chouba qui vient. Ils te disent, va aller voir Hada, Sidi, demande-lui à lui, demande-lui à lui. Et lui, il va invoquer Allah pour toi. Parce que son invocation est acceptée. Subhanallah, mais il est mort, lui. La question, comment on réfute ces gens-là, c'est qu'il y a eu des fitnes qui se sont déroulées entre les sahabas. D'accord? Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aucun des sahaba n'est allé voir au niveau de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il lui a dit, oh envoyé d'Allah, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, délivre-nous de ça, voilà. Invoque Allah pour nous. Jamais. L'aqida elle est ferme, correcte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en étant satisfait de tous ses compagnons. Et puis ça parle pas à moi, ça n'entend pas. Le mort, Akhi, il n'entend pas. Et même s'il entendrait, il ne pourrait te répondre. D'accord? Même s'il entendrait. Et même s'il entendrait, il ne pourrait pas te répondre. Subhanallah. Donc c'est pas par exemple, il est mort, non, il va t'entendre, et puis lui, il va le dire à Allah, tu passes par un intermédiaire. Ça c'est du shirk ça. Shirk akbar. T'es plus musulman, tu vas aller voir une tombe, tu dis Yassidi, je sais pas quoi, c'est terminé. Ton acte de mariage, il devient invalide. Tu n'es plus musulman. Si tu meurs comme ça, on ne te lave pas. On ne met pas le kefen sur toi. On ne fait pas les prières sur toi. C'est comme tarak salat, c'est la même chose. Oui. Même, il a... si, même s'il est ignorant, il sort de l'islam, même s'il est ignorant. Oui, bah, c'est vrai que pour ça, c'est. Oui, mais justement sur ça, barakallahu fik, justement sur ça, barakallahu fik, je vous ai dit, il y a deux opinions des savants sur cela. Il y a des savants qui considèrent que l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance n'est pas une excuse. Ils ont dit quoi? Ils ont dit le Coran, mawjoud fil masajid. Le Coran est présent. Dans les mosquées. Tu lis le Coran, akhi. Subhanallah. T'ouvres le Coran, akhi, et puis tu lis. Yani, tu vas pas, subhanallah, regarde. Je te donne un exemple comme ça de tête là. T'ouvres dans Sourate al-Jinn par exemple. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Dis, j'invoque Allah et je ne lui associe rien du tout. Ça fait des plus grandes injustices, ça, c'est vrai. Dis, j'invoque Allah et je ne lui associe rien du tout. Comment l'ignorant, c'est vrai qu'il dit ça, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment... ouais, c'est vrai. J'essaie de retrouver le verset là. Justement, mais ça c'est la première position que je vous dis. Et je vais vous dire la deuxième, inshallah. Innama ad'u rabbi wa la ushriku bi ahada. Le verset 20. Taqra al-Qur'an. Les gens ils lisent le Coran, ils le terminent. D'accord? Ils lisent le Coran, ils le terminent. Dans tout le Coran, à chaque fois que tu tombes sur un verset, subhanallah, tu vas tomber soit sur les tawhid al-asma wa sifat. Yani où tu vas tomber sur le fait qu'Allah Azza wa Jal informe aux gens que c'est lui le créateur, c'est l'unique créateur, donc ça, à lui seul tu dois vouer tout acte d'adoration, subhanallah, où tu vas trouver qu'Allah Azza wa Jal invite, il a envoyé ses prophètes et envoyés pour qu'ils invitent les gens à unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, ils ont dit... En même donc, temps, il y a la rigueur dans le fait que c'est celui qui est associé à Allah aussi, c'est-à-dire que ouais, t'as raison parce que... En même temps, il invite, mais en même temps, il met en garde. Il met en garde contre cela, exactement. Vous voyez dans, subhanallah, que ce soit sourate al-A'raf. Il a adakhahum hud. Qala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayr. Dans sourate al-A'raf. Non, je suis d'accord avec toi. Après, comme je te disais, avant ça, dans le sens de l'ignorance, mais, là, on peut mettre l'ignorant. Mais voilà, ça, après ce qu'il y a, c'est pour ça que Barakallahu fik, Fahmi, c'est exactement ça. Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il n'y a pas d'excuse dans l'ignorance concernant les bases de la religion, c'est-à-dire tout ce qui est aqidah. Ouais. Pas d'excuse de l'ignorance. C'est vrai. Ils disent, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, talab al-ilm wajib ala kull muslim. Rechercher la science, étudier la science est une obligation à tout musulman. C'est une obligation. C'est pour ça que fait partie de nawaqid al-islam, des annulatifs de l'islam, celui qui délibérément ne veut pas étudier la religion. C'est comme celui qui, par exemple, ignorant qui... Ça annule son islam. T'as raison, parce que là, j'en reviens à un exemple, celui qui dit, oui, je crois en Allah, je crois au prophète, non. Et je ne vais pas chercher la science et je vais aller faire les choses de la dunya, tu vois. Alors que ça se trouve, il est en train de faire du shirk tous les jours sans le savoir. Oui, mais non, il te dit, non, mais le travail, c'est une ibadah. Style, j'ai pas besoin de faire les autres choses. Travail, c'est une ibadah. Ouais, c'est ça. Tu travailles, c'est bien, tu suis bien de tes besoins. Si t'as niya, c'est pour payer la zakat, pour aider les pauvres, alhamdoulilah, c'est bien, d'accord? Mais cependant, ça ne remplacera jamais la salat qui est obligatoire, akhi. Ça ne remplacera jamais les actes obligatoires en islam, d'accord? On rentre. Non. Non. Exactement. Sans ilm, akhi, tu peux tomber dans ici et là, tu peux faire du shirk sans t'en rendre compte. Ça revient à ce que tu as dit, sortir de l'ignorance, c'est que ma ilm. Mais exactement. Moi j'étais ignorant, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, il m'a donné le haq en ayant la science, le haq et les preuves, et je dis, voilà, franchement, ça me sort de ce que j'étais avant, et ça te fait voir autre... Donc c'est pour ça, barakallahu fikum, que la première position, ce sont ceux, les savants qui disent qu'il n'y a pas d'ignorance vis-à-vis les usul, l'aqida, les fondements de l'aqida, c'est obligatoire à chaque musulman de connaître... que le pire des péchés, c'est le shirk. Voilà, c'est ça. T'es obligé de connaître ça. T'es obligé de connaître que le pire des péchés, c'est le shirk, et que l'adoration doit être vouée exclusive qu'à Allah seul. T'es obligé de connaître ça. C'est une obligation. C'est pour cela qu'ils disent que l'ignorance n'est pas une excuse. D'autres savants disent que ils voient l'excuse dans le sens où est-ce que il faut éclairer aux gens. Il faut clarifier aux gens des incompréhensions qu'ils ont pu avoir. D'accord? Il y a des gens, مثلا, ils ne connaissaient pas l'importance du tawhid. Ils ne connaissaient pas le danger du shirk. Ils ne connaissaient pas. C'est la rafla. Ils sont dans tous les jours, quoi. Tu vois, dans l'insouciance. Et ce qu'il y a, c'est que en rappelant à quelqu'un, en lui montrant. Il y a des gens, Eric, qui n'ont jamais touché le Coran. Ou qu'ils ont si. Ils ont un Coran de 2 mm sur 4, là, qu'ils mettent en pendentif, là, qu'ils vont dans les toilettes et en boîte de nuit avec. Mais à part ça, ils n'ont jamais lu un verset du Coran, vous voyez? Donc il y a des gens que ils ont besoin, à qui, de, et bien, tu leur clarifies, tu leur dis, mais regarde ça, regarde le danger de cela, regarde le danger de cela. Il y en a plein que, ah ben je savais pas ça. Justement, et après ils se mettent. C'est important dans la clarification, le mot que tu viens de dire. Non. Il y a l'ignorant, celui qui ne sait pas, qui croit bien faire, qui est sincère. Voilà, ça y est, je vais revenir en. Non. Donc tu vas le voir, tu dis, excuse-moi, Ri, mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Allah a dit, le prophète, les sahaba. S'il accepte par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, t'as le deuxième ignorant, il ne veut pas l'accepter, il veut rester dans sa. Ouais. Dans son. Donc là, c'est. Ouais. Mais après, celui qui ignore et qui est sincère. Celui qui ignore et qui est sincère et qui veut bien faire, celui-là, il a une ressemblance au qui ? Au Nasara. Ils adorent Allah avec ignorance. D'accord ? Ils adorent Allah avec ignorance. Donc ce qu'il y a, c'est que si lui, Allah Azza wa Jal, il sait s'il y a du bien dans son cœur, eh bien il guidera vers le bien. Celui qui veut essayer de trouver tout ce qui se conforme en fonction de ce qu'il aime et ce qu'il veut. Ri, c'est quelqu'un Ri qui suit ses passions. D'accord ? Donc, on comprend donc l'importance ici de comprendre cela. La ilaha, nulle divinité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divinité. D'accord ? Mais, il dit le shir, فبتقدير الخبر في لا إله إلا الله نقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلة ليست آلهة حقا وليس لها حق الألوهية من شيء ويدل لذلك قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير سورة الحج verset 62. Donc il dit, eh bien, on comprend que lorsqu'on prononce La ilaha illallah, on dit que ces divinités-là, qui sont adorées en dehors d'Allah, on dit que ce sont des divinités. Pourquoi ? Parce qu'elles sont adorées. D'accord ? Mais ce sont des fausses divinités. Ce sont des fausses divinités. On les appelle divinités, mais on dit que ce sont des fausses divinités. Elles n'ont pas le droit de l'adoration. Elles n'ont aucun droit concernant l'adoration. D'accord ? Et pourquoi ce sont des fausses divinités d'ailleurs ? Parce qu'elles ont le pouvoir en rien. Enfin, c'est pas. Elles ne peuvent pas répondre à l'appel de l'adoration. Oui, plus précis. C'est des créatures. De pas te protéger contre un mal. Et puis c'est des créatures en même temps. C'est exactement. Pas... Exactement. C'est ça que j'attendais. Parce qu'effectivement, tu peux invoquer une statue, elle n'a pas de répondre. D'accord ? Mais eux, ils te viennent avec quoi ? Ils te viennent avec un équivoque. Mais non, mais on sait que ça ne va pas répondre. Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui fait que il y a une. Comment que ça s'appelle ? Je ne sais pas comment. Ils rentrent dans une philosophie, une talikofar, là, je ne sais pas quoi. Mais bon. Moi, ce que je veux te dire, c'est que ces individus-là, ils te disent. En fait, c'est. Pourquoi ils mettent un objet ? C'est pour pouvoir se concentrer sur une méditation. D'accord ? Ouais, comme ces criminels de bouddhistes. D'accord ? Il faut les appeler par leur nom, ce sont des criminels de kofar, de mushrikin, qui sont en train de laminer les musulmans en Birmanie notamment. Exactement. Hein, parce qu'ils sont des musulmans. Même en Chine, les Ouïghours. Ou en Chine, voilà. Il y en a dans différentes parties du monde. Tu vois ? Et ils se font passer pour les soi-disant des gens vénérables, des gentils, qui s'isolent. Ce sont les pires des criminels. Pourquoi ? Parce que le premier crime qu'ils ont commis, c'est l'associationnisme majeur qu'ils commettent. Ouais, Subhanallah. Puis, ce sont le fait qu'ils sont en train de laminer les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Vous voyez ? Parce qu'ils sont musulmans. Donc, ils sont en train de les exterminer un peu partout dans le monde. Donc, tu reviens en fait aux créatures. Que c'est parce que de la question que tu as posée. Barakallahu fik. Je pense que c'est les créatures. Exactement. Donc, barakallahu fik, akhi fahmi, jazakallahu khair. Donc, on comprend qu'on dit que ces divinités-là, on dit, nulle divinité, ça ne veut pas dire nulle divinité, ça veut dire qu'il n'y en a pas, que ça n'existe pas. On dit qu'il y a d'autres divinités, mais il faut expliquer, parce que si tu t'arrêtes là, les gens ils vont dire, comment ça ? Tu dis, il y a d'autres divinités, parce que la divinité, c'est ce qui est adoré. les vaches sont adorées, il y a des gens qui adorent le soleil, la lune, les étoiles, des prophètes, des gens vertueux, des bien-aimés d'Allah, d'accord? Il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah, des pierres, des arbres, toutes ces choses, ce sont des divinités. Parce que la divinité, c'est ce qui est adoré. D'accord ? Donc, il dit ici, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, donc, certes, ce sont des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, mais ce sont des fausses divinités. Pourquoi ? Parce que ce sont des créatures qui ont été créées. Et le seul créateur, c'est Allah. Étant donné qu'Allah, c'est le seul et l'unique créateur, celui mérite tout acte d'adoration. C'est Allah qui t'a donné cette vie-là, ce corps, le sang coule dans nos veines, on cligne de nos yeux, on se regarde, on s'écoute, on réfléchit, tout ça, et si vous comptez tous les bienfaits qu'Allah vous donne, vous n'arriverez pas à les énumérer. Allah, il t'a donné tout cela, et toi, tu vas t'en remettre à autre qu'Allah? C'est le plus grand des dhulms, c'est la plus grande des injustices. D'accord? La plus grande des injustices. À part ça, il pardonne à qui? En dehors du, bien sûr, en dehors du... Il pardonne à qui il veut. À qui il veut. Il pardonne à qui? Il pardonne aux musulmans. Celui qui est mort sur une autre religion que l'islam, ce n'est pas accepté de lui, comme Allah Azza wa Jal dit, « Inna ad-din 'inda Allah al-Islam », la religion d'Allah, c'est l'islam. « Wa man yabtaghi ghayra al-Islam adinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. » Et quiconque désire une autre religion que l'islam, ce ne sera pas accepté de lui, il sera le jour de la résurrection parmi les perdants. Donc Allah Azza wa Jal, il pardonne à qui? Aux musulmans. Monothéiste qui n'associe rien à Allah. Parce qu'il y a des musulmans, heureusement, qui... Et il y en a qui s'affilient à l'islam, comme on le verra plus tard, la semaine prochaine, inchallah, qui, eux, s'affilient à l'islam, mais ils n'ont pas de problème à adorer autre qu'Allah ou à mettre des fers à cheval, là, sur leur porte, là, ou bien un poisson, là, avec un œil, ou bien comme ils vont en Turquie, ce qu'ils disent, la main de Fatma. Mais ça va te présenter. Un objet, celui-là, là, tu le brises en deux, il va te protéger de quoi? Subhanallah. Ou aller voir un wali, une tombe. Ou aller voir les. Vous voyez? Et le dhum, c'est quoi? C'est le fait de placer une chose qui n'est pas à sa place. Ça, c'est une injustice. Tu places une chose pas à sa place. L'adoration, tu dois la mettre à sa place. À qui tu dois l'avouer? À Allah. Mais si tu l'avoues autre qu'Allah, eh bien, tu ne l'as pas mis à sa place. Puisque c'est Allah Azza wa Jal qui a tout donné. À toi, ton sang, ton l'air que tu respires, la nourriture que tu as, le risque que tu as. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, comme dans le hadith authentique, que si vous placiez votre confiance en Allah, tel l'oiseau, eh bien Allah Azza wa Jal vous donnera le risque. Vous donnera du risque, vous donnera des provisions. Si vous placez comme il se doit votre confiance en Allah, Allah vous donnera du risque comme il le donne à cet oiseau qui quitte son nid le matin et revient le soir le ventre plein. Il quitte son nid le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Vous voyez ? Donc, tu sais que tout ne provient que d'Allah. C'est l'unique et seul créateur. Donc, c'est lui, hein ? Le seul qui mérite l'adoration en toute vérité. Donc les autres, ce sont des divinités parce qu'elles sont adorées. On dit que ce sont des divinités. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné que ce sont des divinités. Pourquoi? Parce qu'elles sont adorées. Il-Ilah ou Al-Ma'abud. Al-Ha, c'est un synonyme de Abada. Il-Ilah, le synonyme, c'est l'adoration. Mais on dit que ce sont des fausses divinités. Parce que ce sont des créatures. Le seul créateur, c'est Allah. Donc celui mérite l'adoration. C'est clair là, Inch'Allah? Ouais, franchement. Ouais. Et donc on termine sur ce point-là avec ce qu'il dit. Donc il dit, donc ces divinités-là n'ont aucun droit. Ces divinités-là n'ont aucun droit dans l'adoration. Aucun droit dans l'adoration. Et pour cela, c'est la preuve dans la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il dit, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Ah, ça c'est une phrase d'accord, simple mais qui tue. Sourate Al-Hajj, verset 62. C'est ainsi qu'Allah est vrai, et alors? C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. D'accord? Donc ça c'est Sourate Al-Hajj, verset 62. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bismillah. On a pris du temps sur la première question, en fait, c'est ça qui nous... En dehors de lui et... C'est une question trop longue que tu as posée. Elle apparaissait courte, mais... Hein? Ah, inshallah. Mais bon, alhamdoulilah. Donc... ainsi qu'Allah est lui vrai. Et lui le vrai. Et lui le vrai. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Alors que ce qu'ils adorent en dehors de lui, pareil. Ce qu'ils invoquent. Oui, l'invocation, c'est l'adoration, mais oui. Être plus au texte, c'est ce qu'ils invoquent. Voilà, que l'offikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Y a-t-il des questions sur le cours ou pas? Ouais, c'est... Inch'Allah, c'est... Là, on n'est pas... C'est clair, hein? Inch'Allah, alhamdoulilah. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.